promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Salut tout le monde, bon réveil, j'espère que ça va ce matin, un petit peu plus de 4h, nous sommes jeudi aujourd'hui, ouais, c'est l'avant-veille d'Energy Music Awards, ça avance tranquille, hein. Ce sera samedi soir en direct sur TF1, sur Energy, il y aura Amir, on va l'écouter Amir dans la playlist Energy, avec aussi Snake et Benny Blanco, et avant de le retrouver à 23h tous les soirs, c'est le meilleur de Mickaël sur Energy. On se fait les appels bienveillants, Christophe. Ben allons-y. Et grosse information, selon une étude anglaise, un tiers des femmes et près d'un homme sur deux se sont déjà endormis pendant l'acte sexuel. Sympa. Voilà, alors généralement ce ne sont pas les performances du partenaire qu'il faut en mettre en cause, hein, mais des facteurs extérieurs comme la fatigue, l'alcool ou la drogue. Et donc Amina, c'était déjà arrivé de t'endormir pendant que ton mec te prenait ? Mais alors déjà, personne n'a pris personne, encore une fois, on va revenir là-dessus. Mais de dormir avec quelqu'un, oui, ça m'arrive plein de fois. Non, de t'endormir pendant qu'un homme te pénétrait. Non mais c'est une blague ou quoi ? Et toi, tu t'es déjà endormi pendant qu'un homme te pénétrait ? Je suis pas homosexuel, donc c'est jamais arrivé. Mais je suis jamais endormi et jamais un mec m'a pénétré, ni une meuf d'ailleurs. Mais toi, c'est plus probable, non ? Ah putain. Non, c'est absolument pas probable. Qu'un mec avait la verge à l'intérieur de ton vagin. Non, mais c'est une gueule, putain. Quoi ? Mais en fait, c'est quoi ? Vous avez une passion avec ça ? T'as mis des posters chez Watt avec des verges immenses ? Bon, enfin, c'est quoi le délire ? Quel rapport ? Non, mais voilà, mais le problème, c'est que tu ne réponds jamais à la question, donc on est obligé de tergiverser pendant 1000 ans. Je viens de te dire que non, ça ne m'est jamais arrivé. Voilà, m'endormir avec quelqu'un, oui, parce que j'adore faire des plans dodo, c'est-à-dire dormir avec des gens, et voilà, c'est tout. Ouais, moralité, vous êtes un auditeur, vous voulez dormir avec Amina, c'est possible. Bah oui. Voilà, c'est ce qu'on appelle un plan dodo. Exactement. Voilà, un plan, on se fait chier quoi. C'est la life. Ah oui, tu parles. Bon, du coup, Tof, tu vas prévenir les gens ? Bah oui, allons-y. Grâce au numéro que vous envoyez chaque soir, toph@energie.com, c'est parti, on y va, on appelle. Et non pas toph, hein. On m'a encore posé la question l'autre jour. Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, je vous appelle, je voulais savoir, est-ce que vous êtes déjà endormi pendant un rapport sexuel ? Et ben voilà, raccroche à journée, on dirait qu'on a appelé la sœur d'Amina. Hop là, et ben c'est pas grave, on va rappeler du coup. C'est reparti. Allô ? Oui, bonsoir monsieur, j'étais en communication avec votre femme, on a été coupé. Et c'était quoi votre question ? Ben en fait, je voulais savoir, est-ce que vous êtes déjà endormi pendant que vous faisiez l'amour ? Et moi, si je t'éclaterais la gueule, tu t'endormirais, tu crois ? T'as pas d'autres questions emmerdées de monde à ce vin, non ? Bah, je vous emmerde pas, monsieur, je vous pose juste une question, c'est pas la peine d'être désagréable, enfin. Ta question me casse les couilles, alors. Oh non, monsieur, non, pas de ça entre nous. Allô ? Oh là là, il est relou ! Sa femme était plus sympathique. Bon, on rappelle. Oui, monsieur, c'est pas la peine de. C'est pas très anonyme, hein. Mais non, mais c'est parce qu'en fait, ça s'est bloqué dans la box, monsieur. Maman, elle a chipoté depuis, ça s'affiche plus. Mais je vous donne mon numéro si vous voulez, hein. J'en ai rien à faire. Je bah alors pourquoi pas, vous plaignez? Je ne connais pas, je veux pas savoir. Et vos questions nous emmerdent. Bah, c'est aussi. Bah, monsieur. Bah, si vous y répondez, alors, monsieur. Bah oui, mais répondez alors, monsieur, comme ça, je serai pas obligé de vous rappeler. Allô Oh là là. Bon, on rappelle encore une fois. En plus, il s'est raccroché en lui-même, il a dit je. Ça a coupé. On rappelle. Votre correspondant. Oh non! Il nous a mis au placard. Salopard, comme ça, rien à foutre. Bon, ben c'est pas grave, du coup on a notre numéro de téléphone. On va tenter notre chance chez cette nouvelle personne. Puis on en connaît un petit peu plus. Oui, allô? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir, je vous appelle, je voulais savoir. Est-ce que vous êtes déjà endormi pendant que vous faisiez l'amour, madame? Est-ce que quoi? Ben, est-ce que vous êtes déjà endormi pendant un rapport sexuel? C'est quoi cette question? Bah c'est une question simple, madame. Est-ce que pendant que vous étiez en train de faire l'amour, est-ce que vous êtes endormie? Allô, oui, je vous écoute. Oui, bonsoir, monsieur. J'étais en communication avec votre femme. En fait, je voulais savoir, est-ce que vous êtes déjà endormi pendant un rapport sexuel? Comment? Est-ce que vous êtes déjà endormi pendant un rapport sexuel? Un rapport sexuel? Oui. Simplement, le problème, c'est que je suis plutôt PD. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais je vois pas le rapport, monsieur. C'est pas la question que je vous pose. Je vous demande pas votre orientation sexuelle. Je veux juste savoir si vous êtes endormi pendant que vous le faisiez. Non, non. Écoutez, monsieur, je vous souhaite une bonne soirée. Oui. Et. Mais ça répond pas à la question, ça, monsieur? Non, non. Je vous dis, écoutez, ne me faites pas chier parce que. Bah, je vous fais pas chier, monsieur. Je vous pose une question. Vous y répondez à. Je vous encule. Oh non, monsieur, non, mais enfin, ça se fait pas, ça se dit pas des choses comme ça, pas au téléphone, enfin, monsieur. Pas de ça entre nous. Enfin bon. Allô? Il klaxonne. Ah, allô, monsieur? Bon, je l'ai pas vu venir, ça là, quand même. Hein. Il était sympathique, non. Et puis après, ouais, je vous encule. Il a prié. Oui, d'accord. On va le rappeler. Oui, allô? Je m'excuse, on a été coupé. Oui. Oui, parce que du coup, vous avez pas eu le temps de répondre à la question. Non, tu vas te faire foutre. Oui, mais ça répond pas à la question, ça, monsieur. C'est pas du tout la question que je vous pose. Bah, il veut pas, là. Hein. Non, j'ai bien l'impression. Parce qu'on a autant de chance que sur l'autre. Bon, allez, on retente une dernière fois, mais j'ai peur que ce soit à peine perdu. Eh bien, oui. Eh bien, c'est peine perdue. Tant pis, c'est pas grave. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. When I was young, I fell in love. We used to hold hands, man, that was enough. Then we grew up, started to touch. Used to kiss underneath the light on the back of the bus. I know your daddy didn't like me much. And he didn't believe me when I see you with a wall. Every day, she found a way out of the window to sneak out late. She used to meet me on the east side in the city with a sun all set. And every day, you know that we ride through the back streets of a blue Corvette. You know I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me, yeah. We can do anything if you put a mind to it. Take your whole life and you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me a heart, cause I'm gonna break it. So come away, start it today. Start a new life together in a different place. We know that love is how all these ideas came to be. So baby, run away with me. 17, and we got a dream. I have a family, a house, and everything in between. And then suddenly, we're 10:23, and now we got pressure for taking our life more seriously. We got a dead end jobs and got bills to pay. Have old friends and now our enemies. And now I'm thinking back to when I was young, back to the day when I was falling in love. He used to meet me on the east side, in the city where the sun don't set. And every day, you know where we'd ride through the back streets in a blue Corvette. I just wanna leave tonight. We can go anywhere. We won't drive down to the coast. Jump in the sea. Just take my hand and come with me. Singing. We can do anything if we put our mind to it. Take your old life and you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me your heart cause I ain't gonna break it. So come away. Start it to taste. Start a new life together in a different place. Know that love is how all these ideas came to be. So baby, run out. Run away, run away.

fiesta. Blow out your candles, have a siesta. We can try, pero no one can stop me. With my talkie talkie wants, yeah, my talkie talkie good. Dáleme como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Vous êtes sur Énergie, j'espère que tout va bien ce matin, c'est Cédric. Bon réveil, une belle journée, bon courage au taf. Tout à l'heure, 17h, ce sera Koé sur Énergie. 17h, 20h, vendredi, ce sera une spéciale en direct des Energy Music Awards. Ouais, depuis Cannes, ça va être cool, il y aura plein d'invités. En attendant, on écoute Shawn Mendes, il y aura Big Flo et Oli et le meilleur de Koé sur Énergie. 17h, 20h, c'est Koé sur Énergie. Voici les champions du monde de l'actu. Mais avant tout ça, je regarde Jeff et je lui fais du coin de l'œil. On en est où pour les ponchos? Les ponchos sont commandés. Wow, c'est excellent. Donc si vous voulez l'émission vendredi, même s'il y a deux gouttes d'eau, c'est quoi? Même un tsunami. Je serai là. Champion du monde, le premier champion du monde, c'est un site qui s'appelle eOffer. Et il y a un gars qui s'appelle Jordan qui a partagé une vidéo parce qu'il montre sa dernière commande. Alors ça, c'est magique. Il a reçu un maillot de l'OM qu'il avait commandé et des chaussettes comme il l'avait commandé. Mais alors, petite surprise, il avait également commandé donc des chaussettes en taille 46. Et vous savez que vous pouvez faire floquer les maillots. Oui. Et sauf qu'il s'est retrouvé finalement avec un maillot de l'OM floqué derrière chaussettes 46. Non, les mecs, ils ont pas compris. Ils ont mélangé la commande de chaussettes avec le nom du joueur. Salut, je m'appelle chaussette 46, les gars. Ils sont cons. Ben oui, c'est drôle. Mais il m'est arrivé la même chose. C'est ça qui est le plus dingue. Comment ça? Mais c'est ça qui est le plus dingue. Moi je me suis retrouvé avec un maillot floqué avec agrandisseur de sexe. Et je ne sais pas d'où ça vient. Une erreur. Deuxième champion du monde, c'est le Real Madrid. Le club de foot va équiper, écoutez-moi bien, les urinoirs de son stade. Ça, les filles, vous savez pas ce que c'est que le charme de l'urinoir. C'est comme des lavabos à la verticale, plus petits, où tous les hommes se mettent en ligne, font pipi et se regardent le kiki du voisin d'à côté. Okay. Ça, c'est un charme, mais alors c'est tellement beau et tellement sale. Le Santiago Bernabéu, ils vont mettre des écrans sur les pissotières. Comme ça, les supporters ne ratent pas une miette des rencontres pendant qu'ils font pipi. Non, c'est génial. C'est vachement bien. Et quand le supporter reviendra dans les tribunes et qui sentira le pipi, tu te diras que l'équipe a marqué un but. Chef, ça va partout. Ah, quand t'es content, tu partages. Super champion du monde, toute catégorie. Elle est en Suisse. Une femme est recherchée après un vol dans une pharmacie. Écoutez bien, elle est rentrée pour acheter un tire-lait, mais après avoir payé l'article, elle a sorti un de ses seins. Ça n'est pas une blague. Elle s'est mise à asperger les employés de lait maternel et elle en a profité pour voler 100 €. C'est-à-dire que la dame, elle sort son sein, elle fait voilà. Je la sais. Oui, comme un arrosage automatique de jardin, mais avec du lait. J'imagine les mecs. Mes yeux. Regardez dans les yeux. Je fonds. 17h-20h. Help me, it's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It isn't in my blood. I'm looking through my phone again, feeling anxious, afraid to be alone again. I hate this. Trying to find a way to chill. Can't breathe, oh. Is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up.

Mais les auditeurs ne sont pas dupes, ils savent très bien. On les emmerde. Ils savent très bien que t'es une meuf pas bien, pas gentille, méchante. Ce qui se passe. Bien sûr. Bien sûr. Attends. Toujours mon respect. Je suis agressé comme ça, traîné dans la boue pour rien. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait, Amina. Vous avez mauvais fond, vous deux. Vous ne l'emportez pas au paradis, Amina. T'as vu mauvais fond. Je vous déteste. J'ai testé l'émission. Les gens qui écoutent. Voilà. Démerdez fort. Le pire, c'est que je suis à la machine à café. Ah merde. Je suis à la machine à café. Je pense à elle. Je dis tiens, je vais lui offrir un café. Je lui emmène un café. Tous les jours, deux cafés, trois cafés. Ouais, mais et voilà comment t'es remercié. Bah voilà, enfin bon, ça nous apprendra. On va prendre Sam qui est avec nous. Allô Sam. Allô. Ça va Sam? Ouais, vous? Bah oui, comment ça va très bien, ouais. Bon, Sam, toi tu voulais réagir par rapport au candidat en Belgique qui ne peut pas faire campagne sous son vrai nom sur Facebook, Facebook considère que son nom est offensant puisqu'il s'appelle Luc Anus. Et c'est scandaleux. Et, voilà, donc oui, ça se prononce peut-être Anu, mais bon, il se fait que ça s'écrit tel quel. Et donc Anus. Voilà. Et donc ça, Sam, et toi, c'est du coup on voulait savoir si vous connaissiez des gens qui avaient des noms difficiles à porter. Eh ben c'est moi. Bah déjà c'est Sam, hein, ça commence bien. Donc, comment ça c'est toi? Non, moi c'est mon nom de famille, c'est Dentier. Oui, effectivement. Ah oui, oui, Sam ça va. Ouais, non. C'est Mucanus. Ouais, ouais. Ouais, ah ouais. Déjà, quand t'as pas un nom qui veut dire quelque chose de particulier, les gens le transforment toujours parce que ça a un sens bidon. Alors, ah bah ça, c'est sûr. Base, c'est Dentier. Ouais, j'avoue. Voilà, c'est ça. On m'a toujours vanné avec ça. Dentier. Et c'est quoi les genres de vannes? Bah, Dentier, t'as mis ton dentier ou dentiste ou des trucs comme ça, quoi. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, des trucs faciles, quoi. Rassure-moi, c'est quand t'es... Bah arrêtez, on aurait fait la même chose. C'est pas vrai, on n'est pas comme mais ça. Jamais Amina peut-être, mais pas nous. Jamais. Ah non, je supporte pas les blagues sur les noms de famille, en plus. C'est quelqu'un méchant. Ouais, exactement. D'ailleurs, elle, jamais les noms de famille, mais par contre, qu'est-ce qu'elle traite les mères? Bah oui, ça, c'est pas pareil. Ça va. Ah, mais moi, je me suis habitué depuis, hein. Ah oui, bah, j'imagine bien. Ouais. Bon, ça va, il y a pire, mais bon, je peux comprendre que ce soit difficile à porter. Eh ben, merci Sam d'avoir appelé pour nous en parler. Eh ben, merci à vous, et puis je vous écoute tous les jours en podcast, parce que c'est le premier soir que j'ai l'occasion de vous appeler, et ça fait plaisir de vous écouter tous les jours. Eh ben, écoute, c'est gentil à toi. Dire, c'est donc le jour de travail, quoi. Ouais, on va t'emballe pas non plus, hein. t'emballe pas. Enfin. Bon, eh ben, écoute, tu me rappelles quand tu veux, en tout cas. Salut Sam. Pas de soucis, bonne soirée. Salut, toi aussi, à bientôt. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. What the hell do you mean I've got to wait in line? This is complete and total bullshit. I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches.

Grand l'âme. Petite sœur. Le principe est simple. Je vais te faire écouter des titres dits avec la voix de Google. Ça veut dire c'est pas du tout chanté. Hein. C'est, Non, c'est parlé, c'est lu. C'est parlé, c'est lu. Ce sont les paroles exactes. Tu me trouves deux artistes sur trois et tu repars avec le téléphone portable. On y va ? Ok, on y va. Attention, je vais essayer de prendre du facile. Je veux que tu portes mon nom de famille, mais ça prend du temps. J'ai même parlé de notre avenir à tes parents, mais ils m'ont dit d'attendre. J'ai fait tout ce que ton père m'a dit, mais il est jamais content. Et s'il décide d'être l'ennemi de notre amour, il sera forcé d'entendre. Quand je briserai les chaînes comme Django, Django, je briserai les chaînes comme Django, Django. Alors Je dirais peut-être Django d'Adjou. Je veux que tu portes mon... Bravo, c'est bien joué. Allez, on continue, j'ai envie de faire simple, j'ai envie que ce soit facile, on y va. Pensez à lever sur cette lune les yeux pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune. Pense à une chanson que personne ne comprend. Brume. Ceci n'est pas un au revoir, j'ai pensé plus du haut, revoir la belle histoire sans avoir peur. Du temps qui passe, de la hauteur. C'est quand tu prends des mots et que tu les jettes au hasard. Alors Je dirais peut-être quoi, Jérémy Frérot, non, bien joué. Très bien, ma belle. C'est une belle chanson. Moi j'aime beaucoup. Je suis souvent en train de blaguer, mais c'est une très belle chanson. Qui ne veut rien dire, mais c'est une très belle chanson. Allez, on en fait un dernier pour la blague. Allez, on y va. Allez, plus compliqué. Bah, il a mis comme aussi fura la ultima veille. Et en sena, mais pas zito kenosé. Un besito bien suave sito. Bébé, taki-taki, rumba. Taki-taki, rumba. Rumba. Alors ce serait pas despacito? Non, c'était Gigi Snake. Ah ça y est, toi t'entends de l'espagnol, c'est Despacito, ça y est. Ah mais elle a gagné de toute façon. Taki taki. Bravo ma petite Lily, c'est gagné. Tu as gagné la bonne manière, Juno Giga. Demain il y aura 20 ans de forfait à gagner. Pendant qu'on a l'émission avec Ahmed Silla, je te fais un gros bisou Lily, je t'embrasse fort. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Causando impresión, cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón, como en una novela en la televisión. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, olvidando, que estoy bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. Bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo tu cuerpo me da calor, besito a besito, mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, olvidando, que estoy bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura. Ven hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí que ya no puedo parar. Ven hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí. frais dans la playlist Énergie. Fischer. France qui se lève tôt. C'est Cédric sur Énergie. Bienvenue, bienvenue. Énergie 5 heures. J'en suis à mon 13e café ce matin, je crois. On va écouter Z avec aussi Jane jusqu'à 6 heures avant de rentrer en direct. C'est le meilleur de menu dans 6-9 sur Énergie. Stir it up, tonight we won't give up. Merci de vous réveiller avec nous sur Énergie chaque matin. C'est Cédric, c'est cool que vous soyez là. On se fait la playlist Énergie, voilà, pour attaquer la journée avec vos hits préférés. George Ezra, c'est la suite. VG Dream dans moins de 3 minutes. Et tiens, il sera de retour, ouais, en direct dès 6h tout à l'heure sur Énergie. Bah, doublez votre salaire aussi à 7h05 et 8h05. Inscrivez-vous à énergie.fr. Voici le meilleur de Manu dans 6-9 sur Énergie. Manu dans 6-9 sur Énergie. On parle de nos histoires de cadeaux ratés. Ouais. Quelle est votre pire histoire de cadeau que vous avez offert à quelqu'un et c'était pas une bonne idée? Alors, de cadeaux que vous avez reçus. 0870 42 48, vous nous appelez, ou Twitter aussi avec le hashtag Manu dans le 6-9. Isabelle, une histoire? Par manque de temps, j'ai offert un livre qu'on m'avait donc déjà offert, hein, ce qu'on fait souvent quand même, ça, voilà. Mais sauf qu'il était dédicacé. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Il était dédicacé. Ah, t'avais pas fait gaffe? Bah non. Il était dédicacé à toi et tu l'as offert? Oui, et je m'en rappelais plus, tu vois. Ah, c'est ouais. Horrible. Ça met mal. Ah bah oui, ça met mal, ouais. Ouais. C'est le truc le plus vexant au monde, surtout quand tu l'offres à ton enfant. Sur Twitter, il y a Robin qui dit: j'ai offert une cravache à ma nièce de 8 ans qui adore l'équitation. Elle a passé la soirée à me taper avec. Le risque. Émilie, bonjour. Salut Manu, salut les mouins. Bienvenue parmi nous, Émilie. On écoute ton histoire de cadeau raté. Alors moi, pour nos 1 an avec mon ex-conjoint, il m'a offert un limonadier de bar. Oh, c'est sympa, limonadier de bar. Ah oui, c'est sympa, c'est agréable comme pour 1 an, c'est sympa quoi. Ouais, ouais. Bah, mieux, ça peut être un beau limonadier. Ouais. Non. C'est un limonadier quoi, voilà. Je suis un peu restée perplexe, on va dire. Est-ce que pour les 2 ans, il t'a offert la bouteille qui va avec? Non. Il aurait pu, mais non. T'es toujours avec lui? Non, on s'est séparés. Ah, voilà. Ok, bah alors, note à moi-même, ne jamais offrir le milieu limonadier. Jamais faire ça, jamais. Merci de nous avoir appelé, Émilie. Nico, histoire de cadeau raté? Ouais, moi, c'est ma belle-mère qui m'en a offert un. Ça partait bien au départ, hein, mais à un Noël, elle m'a offert un pull. C'est bien, ça, un pull? Ouais, mais en taille XL. Oh. Et ça, c'est pas bien, ça. Ça, c'est pas bien. Elle sait que je rigole pas là-dessus. T'es un petit peu susceptible. Non, XL. XL. Il y a un message qui est passé. Hein. Mais il t'allait pas bien, vraiment? Non, il était trop grand, Manu. Peut-être qu'il t'allait bien au ventre, mais pas au bras. Non, c'est gratos. Fais pas comme elle. Hein, parce que tu sais ce que je pense de ma belle-mère. Hein. Et toi, je t'aime bien. Donc ne vrille pas. Ne deviens pas ma belle-mère. Jérôme sur Twitter nous dit: j'ai offert un abonnement d'un an à la salle de sport à mon ex pour qu'elle vienne avec moi. Elle l'a hyper mal pris. Voilà. C'est comme comme si tu offres du déodorant, c'est pas bien quoi. Faut un tout petit peu réfléchir avant le cadeau quoi. Audrey, bonjour. Bonjour Manu, bonjour Yvonne. Bienvenue parmi nous Audrey, on écoute ton histoire de cadeau raté. Alors, mon histoire de cadeau raté, j'ai invité des potes à venir manger à la maison et ils m'ont offert une bouteille de vin. Et en fait, c'est celle que je leur ai offert il y a quelques mois avant. Oh non. Ouais. Ouais. Ben voilà, toi t'as été la victime du cadeau réoffert. Mais les bouteilles de vin, j'avoue que c'est... T'oublies de faire un cadeau à quelqu'un. Tu fais merde, comment on fait? On n'a pas une bouteille de vin quelque part et tu vas la chercher et tu sais plus d'où elle vient. Ouais. Tu peux arriver en disant non, je sais que c'est toi qui me l'as offerte, mais je voulais la boire avec toi. Mais c'est que souvent les gens qui font ça et qui oublient, c'est je l'ai acheté chez un caviste, tu vas voir. Elle a coûté un petit peu cher. Ah, mais là, si tu pars dans les mensonges. Ah bah ouais. C'est horrible. Là, c'est mort. Après, le tout, c'est de la boire tous ensemble. Oui, pour rester positif. Oui, bien sûr. J'aime bien parce que Paulette, quoi qu'il arrive, elle trouvera toujours une bonne excuse. Ouais. Mais c'est l'avocate bisounours. Oh, vous savez, oui, mais ok, il a braqué cette banque, mais l'important, c'est quoi? L'important, c'est que cet homme, regardez, marche. Il pourrait ne plus avoir de jambes. Mais il marche. Elle est trop gentille. Merci, condamné. Merci de nous avoir appelé Audrey. Il y a Cyril sur Twitter qui nous dit: j'ai offert un voyage en Espagne à mes parents pour leurs 30 ans de mariage. Ils se sont disputés là-bas, se sont séparés en rentrant. Ah merde. Oh la boulette. Bah, histoire de cadeau raté. Tout à l'heure, 6h, 9h30, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Ça c'est le jeu de gagnant. See you later, gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere, architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone.

Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tired trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling in all the good times. I find myself sur Énergie. Bonjour tout le monde, bon réveil, ça va ce matin, j'espère que tout roule pour vous tous. Courage si vous êtes déjà au boulot. On va écouter la suite avec Dean Lewis, Drake, ainsi que Dadju et The Chainsmokers. Et il est de retour en direct un petit peu avant 6h tout à l'heure pour vous faire plaisir ce matin. Voici le meilleur de Manu dans le 6-9 sur Énergie. Énergie. C'est Manu dans le 6-9. Et la France attend de savoir pourquoi Sherlock Holmes n'aurait jamais pu rentrer au château de Versailles. Patience, patience. Glandu nous a dit que nous allions avoir la réponse à cette question que vraiment personne se pose. Et c'est le concept des infos de Glandu maintenant avant de s'écouter Imagine Dragons. On va commencer par une info musique. Le rappeur Jay-Z, vous savez le mari de Beyoncé, a repris la mélodie d'une vieille chanson française de Véronique Sanson. Moi. Ouais. C'est un titre qui est sorti en 2008. En fait, il sort ce titre pour la victoire d'Obama. Il l'appelle History. Et il reprend la chanson Une nuit sur son épaule de 1972 de Véronique Sanson. Et écoutez la différence. Écoutez Véronique Sanson d'abord. Je l'ai regardé sourire. Vous écoutez Énergie. Il est 9h11. Voilà, non, mais comme ça, on le dit. Ouais. On écoute. Je l'ai regardé sourire. Alors, je ne connais pas. Ah bon? Bah oui, ah bon. Mais vous la connaissez cette chanson? C'est un slow, ouais. Ah oui. Bah il faut. La plus de chansons que je peux te faire écouter, tu connais pas. Hein. Ah bah d'accord. Hein. Alors, ça c'est Véronique Sanson du coup. D'accord, ok. Et écoutez Jay-Z, c'est pas fait chier, il l'a juste repris et mis en fond là. Incroyable. Give me a lighter. Ah ouais. Wow. Alors c'est marrant. C'est bizarre, attends, on écoute. Je l'ai regardé. Je suis désolé, ça me fait rire. Parce que j'ai l'impression qu'elle éternue quand elle va chanter, regardez. Et Jay-Z? C'est plus moderne quand même, non? Ouais, un peu, ouais. Mais en fait, sur le refrain de cette chanson, tu entends la voix de Véronique Sanson, mais il a carrément laissé la voix de Véronique Sanson derrière, en fait. Ah oui? Ouais, tu l'entends. Ah, c'est même plus reprendre là, c'est je me fais plus chier quoi. Et elle est en colère, Véronique Sanson, parce qu'il lui a pas demandé l'autorisation. Oh ah, donc, et est-ce que quand elle est en colère, elle gueule comme ça? Elle a pas aimé, elle a dit Jay-Z, ça me fait chier. Oh, voilà. Ouais, oh, mais elle va lui faire un procès et tout alors. Non, c'est un titre de 2008, c'était pour la victoire d'Obama, donc c'était pour la bonne cause. Ah, ok. Donc elle s'est dit, on enterre ça. Oh, pour la bonne cause, il balance là. Mm-mm. En ce moment, c'est les élections aux États-Unis. Tu dis que c'est pour, pour Obama, c'est pour la bonne cause. Et il sort de l'eau. J'ai rien dit. Ça parle politique. J'ai rien dit du tout. Pour la bonne cause. Oh, et dans deux minutes, il va nous faire. Et n'oubliez pas le 17 novembre. Hein. On manifeste pour l'essence. Hein. Hey, la France Insoumise debout. Oh, glandule rebelle. Bon, on continue. Ouais, je vais te révéler pourquoi Sherlock Holmes n'aurait pas pu rentrer au château de Versailles. Attends, avant, on se fait un petit plaisir. Oh là là. Hey, Sherlock Holmes. Tiens-toi bien. Au château de Versailles, il est interdit d'examiner les œuvres à la loupe. Ouais. Ah, donc il n'aurait pas pu rentrer parce qu'il avait tout le temps une loupe sur lui. Une loupe et un chapeau, Sherlock Holmes. Oh, si c'était pointé à l'entrée du château, on lui aurait dit non, Sherlock, tu retournes chez toi. Mais alors, tu vois, mais bon, il y a quand même une info là-dedans, c'est qu'on n'a pas le droit de regarder les trucs à la loupe. Il y a un vrai règlement, et selon l'article 17 du règlement du château de Versailles, dans l'intérêt de la protection du patrimoine qui est leur bien commun, il est interdit aux visiteurs d'examiner les œuvres à la loupe. Dingue. Mais pourquoi? Ah pourquoi? Parce qu'en fait ça brûle la réfraction de la loupe. Tu sais quand tu mets une loupe et tu mets de la paille en dessous dans les dessins animés, ça prend feu. Ah oui. Et ben en fait la réfraction de la loupe vraiment abîme l'étoile, abîme les tableaux. T'imagines? Tu veux regarder la Joconde? Attends, oh merde. Ouais, là, c'est... Voilà, et là, du coup les gens sont en colère. Une dernière info? Ouais, une info scientifique. Il est tout à fait possible de faire bouillir de l'eau sans la chauffer du tout. Moi. Bah, attends, j'aimerais citer Isabelle qui a dit il y a une seconde. Bon. Bah, j'aimerais aussi citer Véronique Sanson. Non mais on peut en fait, si on place la casserole d'eau dans une cloche sous vide et qu'on aspire l'air, c'est-à-dire qu'on fait diminuer, et ben l'eau elle va rentrer en ébullition. Pourquoi? Parce que plus la pression diminue, plus tu vas faire bouillir l'eau à une température moins élevée. Par exemple, en haut de l'Everest, l'eau bout à 72 degrés seulement au lieu de 100. C'est-à-dire que si tu fais le vide d'air, l'eau bout. L'eau bout, exactement. Question, si tu mets de l'eau dans l'espace où il n'y a pas d'air, ça bout? Ah, ça, je sais pas, faudrait essayer. Hein. Tu me poses une colle. Mais là, parce que si tu dis que c'est le vide d'air, bah ouais. Et puis si on met de l'eau dans un sachet et qu'on vide l'air dedans, tu sais, comme les trucs lyophilisés, là, ou non, comme les. Quand on a du fromage sous vide. Sous vide. Ouais. Est-ce que l'eau qui est à l'intérieur va bouillir tout de suite? Non, là, ça marche pas, là. Bah pourquoi ça marche pas? Faut enlever complètement l'air. Oh là, attends, je vais passer un coup de fil à quelqu'un. Véronique Sanson aura la réponse à ça. Bon bref, l'eau elle peut bouillir. Ouais, si tu baisses la pression. Donc voilà, si vous voulez faire bouillir de l'eau plus vite, vous pouvez aller en haut de l'Everest ou du Mont Blanc. D'accord, c'est pratique ça. Quand tu veux te faire un thé, écoute, tu veux un thé, reste là, je reviens dans deux ans. Tout à l'heure, 6h, 9h30, Manu. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Lyon. Un peu de respect, faut respecter. Quand une lionne arrive à tout gérer, un de perdu, mais elle s'est retrouvée. Pas besoin d'un homme qui l'empêche d'avancer. Elle a ses règles et sa fierté. C'est pas elle que tu verras mendier. Célibataire ou femme mariée, ça ne change en rien sa façon de penser. Fort caractère, elle sait dire non. Non, non, non, non. Elle dit jamais son dernier mot. Non, non, non, non. Et tu peux lire sous ses paupières déterminées. Elle agit, elle ne parle pas, y'en a pas mais. Si tu lui donnes la misère du monde, elle va tout assumer. Si tu lui donnes la richesse d'un homme, elle va tout assumer. Elle mettra toujours la famille d'abord, elle va tout assumer. Le genre de femme qui à chaque problème s'en sort, elle va tout assumer. Très bien comment gérer sa vie. Charismatique, magique. Elle est sexy. Elle prend soin d'elle malgré tous les soucis. Elle prend des risques, elle réfléchit. Pas besoin de te demander ton avis. Son objectif, la réussite. Son amour ne connaît pas de limites. Fort caractère, elle sait dire non. Na, na, na, na. Elle dit jamais son dernier mot. Na,

C'est Cédric sur Énergie, j'espère que tout va bien. Bon réveil tout le monde, une belle journée, on est jeudi. Aujourd'hui on est le 8 novembre, on va écouter Jennifer pour la suite. Jennifer dans la playlist Énergie. Ce sera chez Koé, hein, samedi 17h dans l'émission spéciale Énergie Music Awards. Ça c'est cool. Jennifer pour vous sur Énergie. Avant son retour en direct un petit peu avant 6h. C'est le meilleur de Manu dans 6-9 sur Énergie. Manu. Manu et les wa 6h, 9h30 tous les matins sur Énergie. Nous allons faire maintenant quelque chose qui montre vraiment que nous suivons l'actualité. Halloween s'est dépassé depuis une semaine. Et ben c'est pour ça qu'on en parle maintenant. Ouais. Attention, nous allons vous faire peur. Nous allons nous faire peur. Avant d'écouter Imagine Dragons, nous allons raconter des histoires d'horreur. Tout le monde a préparé une ou plusieurs histoires d'horreur qui ont tout un point commun. Elles font deux phrases. Ouais. Êtes-vous prêts? Ouais. Oui. C'est parti, je démarre. J'étais affamé et perdu dans les bois, jusqu'à ce que je croise un randonneur. Je suis maintenant rassasié. J'aurais juste aimé qu'il ne crie pas si fort. Oh. C'est pas bien. Oh. Horrible. Oh. Histoire d'horreur en deux phrases. Nico. J'en ai une. 3h30 du matin, je suis réveillé par un appel en numéro masqué. Je décroche, je dis allô, mais personne ne répond. Quand soudain, j'entends un rire, dans le téléphone, mais aussi dans mon salon. Ça raccroche. Oh, oh, oh, on gêne pas. Oh, pas non plus. Histoire d'horreur en deux phrases. Isabelle. Je peux pas bouger, à peine respirer. Il n'y a aucun bruit, il fait noir. J'aurais dû me faire incinérer. Oh, mais c'est horrible, oh non, Isabelle. Isabelle, mais pourquoi ils t'ont mis dans le cercueil vivant? Il fallait pas. Oh non. Mon pire histoire d'horreur. En deux phrases. Glandu, t'es prêt? Ouais. On y va. Il est 5h, mon réveil sonne. Et je me réveille pour aller bosser. Je déverrouille mon téléphone et là je tombe sur une photo de moi en train de dormir. Sur cette photo, sur le réveil, il est inscrit 4h50. Cette photo a été prise il y a 10 minutes. Et le souci, c'est que je vis seul. Oh, oh, oh, j'aime pas. Oh. On continue. Histoire d'horreur en deux phrases. Paulette, t'es prête? Oui. Un voisin me demande de l'aider à monter ses courses chez lui. Dans l'entrée, il me dit « Posez ça dans la cuisine ». J'y vais, et là... J'entends les verrous de sa porte d'entrée se refermer. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. J'ai la chair de poule. Je t'avais dit qu'il fallait déménager. Oh, c'est dur. Histoire d'horreur en deux phrases. Croyez-vous aux rêves prémonitoires? Mon radio réveil indique 3h15. Un cadavre en décomposition enfonce ses doigts dans mon ventre. Oh. Et je crie de soulagement en me réveillant. Ce n'est qu'un rêve. Mon radio réveil indique 3h14 et la porte de ma chambre s'ouvre. Oh, oh non, non, non. Ah, cours, cours, cours. Oh, ouais. Oh. Mais je peux pas courir. Oh. Oh. Histoire d'horreur en deux phrases, une petite dernière, Nico. Ouais. On y va. J'écoutais souvent ma voisine du dessus jouer du piano et en voulant la rencontrer pour la complimenter, je me suis rendu compte que l'appartement était vide. Oh, oh. Mais... Bon. Ah non! C'était qui? Ah. Histoire d'horreur en deux phrases. Allez, Glandu, une petite dernière. Une dernière. Je me réveille allongé sur une table d'opération. Impossible de bouger ou de sortir le moindre bruit. Quand le chirurgien s'apprête à enfoncer la lame et à faire la première incision, l'infirmière, heureusement, remarque mon regard paniqué. Elle s'approche et elle me chuchote. Vous croyez qu'on ne sait pas que vous êtes réveillé? Oh. Alors ça non, ça. Oh. Non, non. Bon réveil. Tout à l'heure, 6h, 9h30. Énergie. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Te souviens-tu de l'ivresse, de nos envolées soudaines? Reconnais-tu mon adresse, nos larmes au bord de la Seine? Allons voir ce qu'il reste de nos apnées sous les draps. Cachons-les sous la veste, toutes ces morsures qui Bienvenue sur Énergie, il est pile 5h55, le seul moment où dans la journée, nous sommes à l'heure, c'est au début. c'est vrai. Pourquoi ? Parce que c'est pas nous qui gérons. Le titre se termine, il se termine à l'heure, on démarre. 5h55, soyez les bienvenus sur Énergie. On va démarrer l'émission dans 5 minutes, comme chaque jour. C'est Manu dans le 6-9. Et comme chaque jour, avant ça, c'est notre petit plaisir. Ouais. Notre petit plaisir entre vous et nous. Nous sommes là, vous êtes là. On ne veut pas savoir comment vous êtes, vous pouvez tous rentrer. Vous pouvez même être en mocassin à gland. Ah oui. Ah, il paraît que ça revient, les mocassins à gland. Oui, ah bon? Mais alors, je ne veux pas. Voilà. Pour avoir subi moi-même les mocassins à gland quand j'étais petit, je ne veux pas. Voilà, je le dis, je ne veux pas que les mocassins à gland reviennent. Franchement, entre ça et la hausse de l'essence, je suis prêt à descendre dans la rue contre les mocassins à gland, okay. Je vous préviens. Fermons la parenthèse et revenons à ce qui nous intéresse, le club du 555. Parce que vous pouvez venir comme vous voulez. Peut-être que vous êtes tout nu. Ouh. Peut-être que vous allez vous dites, je vais rentrer dans ma douche, je vais pas rentrer dans ma douche. Je suis dans le club du 555. Et bien chaque jour on se fait notre petit plaisir à nous pour s'écouter un titre. Un titre qu'on n'a pas l'habitude d'écouter. Et là, ça fait longtemps. Wow. C'est un de mes titres préférés de Green Day. Boulevard of Broken Dreams. Je prends les cours d'anglais et je reviens. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. This empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one.